Musique horrible. César, bonsoir. C'était l'incroyable orchestre des enfants handicapés. Bonsoir et bienvenue sur Musique Horrible, le podcast pour les petits blancs qui souffrent de pas souffrir. Ici César, votre chef de feu qui ne sourit jamais et qui brandit la torche brûlante dans votre gueule comme le ferait un pote. Pourquoi ? Parce que je vous aime. Avant de commencer l'étrange épisode qui nous attend ce soir, je me dois d'adresser un truc vis-à-vis du dernier hors-série dédié aux jeux vidéo. Celui-ci comporte une anomalie. En effet, il y a des moments où, en plus d'entendre de moi, vous avez peut-être entendu causer une troisième voix. Il s'agit de celle de Glenn. Glenn est un personnage fictif que moi, César, je déploie quand je suis physiquement avec d'autres personnes, soit afin d'être présentable en société. Glenn est là pour me protéger, donc, oui, je vous rassure. Ce voleur d'oxygène, je vais l'éliminer, le foutre dans une cabine de toilette en feu à balancer du haut d'un hélicoptère en panne d'essence. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, Musique Horrible est désormais un podcast célèbre. Vous avez été nombreux, peut-être plus de 10 personnes, à avoir écouté les derniers épisodes. Ce alors que Musique Horrible a désormais son propre site internet, ainsi que son propre studio, pour pouvoir créer de manière totalement indépendante. Et pour tout ça, je tiens à remercier... moi-même. Du haut de mon podium en cuir d'humain, je vous fais des doigts d'honneur car je suis désormais une superstar. Et ainsi, pour mon plaisir et le vôtre, en l'honneur d'Écorchement, un de vos épisodes préférés, je suis partiellement nu ce soir. Je ne porte qu'un gilet. L'histoire d'aujourd'hui porte sur la célébrité. Il s'agit pareillement d'une histoire complètement nébuleuse. Donc je vais vous demander, chers auditeurs, d'être nébuleux vous aussi, en écoutant ce soir. Et comme ça, peut-être qu'à la fin, on en tirera quelque chose de vrai, derrière tous les artifices creux du succès. Pour cette histoire, nous allons parler d'un groupe, The Rootses. Et voici un morceau d'eux au sommet de leur succès. Ah, Queens, one is many, many are one. Allez, on se la remet. Le sommet, c'est ici après tout, donc restons-y encore un peu. Car tant qu'on écoute, on est invincible. En 2010, le groupe Daughter sont au sommet. Ils sont célèbres. Et je parle pas d'une célébrité de guignol ou de président. Là où le monde entier sait qu'ils sont. Non. Daughter étaient aussi célèbres que peuvent l'être des artistes de leur catégorie. Ils savaient ce que c'est d'être connus et reconnus. Plus simplement, ils arrivaient au stade où ils recevaient toute l'attention qu'ils auraient toujours pu vouloir. Puis, du jour au lendemain, avant même que sorte l'album sur lequel figurait la piste que vous avez écoutée juste avant, le groupe se casse. Ils disparaissent. Ils se séparent à cause de différences créatives. Le genre où on hésite à foutre le micro dans son propre cul ou dans celui du public. Pourtant, tous ceux qui savaient qui Daughters étaient ne voulaient qu'une seule chose. C'était qu'ils reviennent. L'histoire de ce soir est sur cette célébrité. Sur ce qu'ils attendent d'être ces stars qui, comme moi, étaient les seuls capables de faire débouler le fun que vous avez entendu juste avant. Mais à la fin, qu'est-ce que ces stars nous ont apporté, en fait ? Rapprochez-vous, allez-y, venez. Maintenant, reculez une seconde. Imaginez un bar dégueulasse avec des empreintes de pieds jusqu'au plafond. Les pintes sentent le paix et remplissent pour pas cher comme la Saint-Omer ou la Grolche. mais avec le vomi plus proche de la glotte que de l'estomac. Les gens autour sont tous des punks sans uniforme, habillés comme vous et comme moi, quand je suis habillé. Les lumières sont soit cassées, soit indigo, la couleur que personne ne peut détester, parce que toute notre espèce l'a jalousée pendant des années et des années. D'un point de vue atmosphérique, l'air ambiant est poisseux et lourd. Le genre a vous donné un sentiment d'appartenance rien que parce que vous l'endurez. Et c'est bien. Une chaussette vole, parsemée de champignons. La meute se bouscule et s'agite pour la choper. Et là, dans le coin le plus inutile du bar, arrive progressivement un groupe de jeunes gars qui ont l'air, ma foi, très normaux. Ce sont tous des excellents putains de musiciens, mais ça vous le saurez plus tard. Pour l'instant, tout ce qui vous regarde, et tout ce qui attire votre regard et vos narines, c'est un homme au milieu des musiciens. Un homme qui trébuche à moitié, et qui sent comme le trou du cul d'une aisselle béante en pleine infection. Le monstre sacré. Il est grand mais maigre à cause des drogues moins chères du moment. Ses cheveux ressemblent à une méduse anorexique qui aurait pris feu dans la paille. Son jean est déchiré en lambeaux, simplement parce que c'est la seule paire qu'il possède sur cette terre. Sur sa gueule est logée une moustache en guidon de vélo, inconfortablement assise de par ses lèvres. Et enfin, cerise sur le gâteau. Cet homme immonde au centre de la scène arbore une absence absolue d'hygiène, même la plus élémentaire. Il est crade. Il est dégueulasse même. Le genre de dégueulasse qui est sexuel aussi. Et malgré tout ça, il porte un t-shirt rigolo, avec des grosses lettres débiles qui épellent « Daughters » au-dessus d'une batte de baseball avec un vagin dessus. C'est le chanteur du groupe, Alexis Marshall. Il ne sait pas chanter, mais ça vous en doutez, et lui aussi. Vous savez que ce n'est pas pour ça qu'il est là. Il est là parce que tout le monde veut qu'il soit là. Parce que tout le monde a besoin qu'il soit là. C'est la motherfucking star. Alexis rote en riant et pète de rire. Et vous faites instinctivement un pas en arrière. Le concert commence et la musique est terrible. Précise mais inhumaine, froide mais fun. Alexis Marchand aboie, gueule et hurle comme un cartoon sur la chaise électrique. Son corps est encore pire que ce que je décris. Et tout est drôle. Pourtant, profondément, quelque chose ne va pas vraiment dans ce hardcore punk. Alexis Marshall ne confronte pas le public, comme d'autres stars de ces musiques-là le font. On n'est pas devant Gigi Allin qui balançait sa propre merde directement sur le public, ou encore Glenn Benton qui se mettait des crucifix dans le cul en encourageant l'abandon spirituel des spectateurs. Non. La seule chose qu'Alexis Marshall dégrade, néglige et enfoutre, c'est lui-même. Il est son propre pire ennemi. L'auteur de son trou. Un trou si béant lors de sa performance que le malaise se répand dans le public, qui fait alors collectivement un pas en arrière. Au milieu du chaos, le froc d'Alexis commence à tomber. À la grande surprise générale, il ne porte pas de caleçon. Le groupe Daughters est au sommet et il est en train de s'autodétruire devant eux simultanément. Tout en reculant, le public s'avance vers le groupe, d'un pas. Le public lui-même est en train de détruire le groupe, car il ne cherche pas à le sauver. C'est trop génial. Certaines femmes sont même en train de contribuer plus activement et s'amusent à déchirer le froc d'Alexis pour tout voir. Lui est totalement passif devant ce genre de bordel, tandis qu'il frotte son gland contre le pied de micro et que sa langue s'envole dans chaque mot. Comment on peut définir un spectacle comme ça? Ok, il y a le mot marrant, ça c'est sûr. Humiliant. Humiliant pour le groupe, pour le public et pour toute l'espèce humaine. Ah, et vous croyez que c'est fini? Non, bien sûr que non. Mais nos célébrités décident d'un seul coup que ouais. Et puis merde, c'est fini. Ils ont ce pouvoir. Le concert est terminé. En plein milieu de sa performance, en plein milieu d'une syllabe au creux d'une phrase adressée au public, Alexis Marshall balance son micro. Il chope une bière, tiède entamée, sur un ampli, et il se casse de la scène sans rien dire. Pour l'instant, les autres membres du groupe se regardent dans les yeux sans trop savoir quoi faire. Bonne chance pour vendre des t-shirts avec des vagins sur une batte de baseball. Le respect, il est mort. Bien sûr, le public les hume et les aime, et n'oubliera jamais ce concert de toute leur vie misérable. Et la même année, en 2010, Daughters disparaît. Ils étaient des célébrités. Ils étaient au sommet. Au sommet. Alexis Marshall nous a quand même tous fait tomber bien bas. Plutôt que de nous confronter, il aura préféré faire de nous des voyeurs. La marque d'une vraie star. Tout ça pour nous faire regarder en bas. Maintenant qu'il s'est détruit et que Daughters a disparu, qu'est-ce qui reste pour nous qui nous amusions si bien? Bah, y'a plus rien à voir. Rien à faire. On reste en bas. 8-6 dans la poche. I think I just got hit on. All right, here's one more song. One more song. What? What? All right. Great, super. Here's one more for you. All right? Great, super. Yeah. What? Chers auditeurs, vous êtes toujours là? Barrez-vous. Le concert est terminé depuis un moment. La meilleure partie de tout cet épisode est terminée. Vous ne partagerez plus ce moment avec le groupe Danseuse, et plus jamais ce sera le cas. À vous qui n'êtes pas invité sur la grande attraction principale, à vous qui êtes la base, à vous qui êtes le public, à vous qui avez cru pouvoir continuer et aller jusque là où ils sont allés. Bah, je pense que pour vous, c'est mort. Héhé. Bien sûr, je plaisante. Mais c'est vrai que la bière tiède que tenait Alexis Marchand est vide. Et qu'il est temps pour vous de rentrer chez vous. Au milieu de chaque épisode, d'habitude, je mets une chanson heureuse car le contraste c'est la vie. On va écouter un groupe appelé White Seed avec la chanson Calming Down qui précède A Manic Moment of Happiness. Je dis pas qu'elle est importante cette chanson, hein. C'est même le genre de petit projet qui sera jamais sous le feu des projecteurs ou même d'une playlist FIP à 4h du matin. Mais bon, ce genre de morceau doit surgir de temps en temps. Voilà donc 2 minutes accordées aux oubliés, et ensuite l'épisode reprendra sur le goût du succès, quand on n'est que les spectateurs de celui-ci. À bientôt, sur Musique Horrible. Vous venez d'écouter un mauvais goût en bouche qui sonne le glas pour votre appétit de réussite. C'est Dead People's Things, de Death Prod. Vous êtes toujours sur Musique Horrible, le rituel dédié aux papillons morts dans votre ventre. C'est marrant. Vous êtes encore là malgré tout. Bon bah. Chers auditeurs, posons-nous un peu. Là où se tenait le bar où a eu lieu le concert du début de cette histoire, il reste aujourd'hui plus qu'un immense trou. Tous ceux qui regardent dedans font tomber des trucs sans faire exprès. Des pièces de monnaie, de la bière, leur téléphone, leurs lunettes, des opinels, des mauvaises blagues ou encore des photos floues. C'est un peu con comme spectacle, mais c'est devenu encore plus marrant quand c'est des gens, en chair et en os, qui ont commencé à tomber dans le trou. Le trou est profond de 5100 km. Flûte alors. Nous aussi, on est tombés dans le trou. Moi. César. Je me demande qu'est-ce qu'on cherche là-dedans. Chez d'autres, chez les stars, chez ces inconnus immenses qui ne savent même pas qui nous sommes, qui nous font monter au sommet et qui enfin s'autodétruisent souvent de manière idiote. Pourquoi les suivre et laisser notre monde être créé par ces icônes, elles que l'on connaît juste à travers ce qu'elles ont bien voulu nous donner à voir, comme un concert hallucinant qui a changé nos vies d'une manière ou d'une autre. Eh bien, pour essayer de répondre à cette question-là, je vais proposer une dernière petite histoire pour clore la soirée. Oh, ce n'est pas une histoire drôle, comme celle de Hanen Chauve et Sans Dents, mais je pense qu'on n'est plus à ce moment de la soirée. Et donc, si ça vous fait rire, eh bien, j'aurai à la fois échoué et réussi. Il était une artiste très connue, à qui l'on a un jour demandé « Comment votre relation avec autrui a changé depuis que vous êtes devenu célèbre ?» L'artiste évoqua alors trois types de relations qu'elle avait maintenant avec autrui. D'un côté, la première, pour les gens qui la connaissaient déjà bien, rien n'avait changé. Ensuite, pour la seconde, pour les gens qui la connaissaient un peu, du jour au lendemain, ils pensaient être de très très bons amis. Un peu comme quand vous venez de trouver un CDI. Enfin, et celui qui nous intéresse, pour les gens que l'artiste ne connaissait pas de base, elle ne pouvait désormais plus les rencontrer. Les inconnus ne voyaient déjà en elle qu'une chose distante et étincelante. Une créature qui émanait de la sagesse et de la vérité. Un idéal ou une hantise, peu importe. Elle était déjà une image à leurs yeux. Et c'était un cauchemar pour l'artiste. Un jour, cette dernière décidit qu'elle ne voulait plus ne plus rencontrer autrui. Elle prit pour décision de renverser ce phénomène. Et c'est ainsi qu'un soir, juste après l'un de ses concerts, elle décidit d'aller tchatcher avec l'un de ses inconnus dans la foule du public. Un de ses inconnus qui l'avait adulé durant toute sa performance. Elle alla le voir, et elle se confia à cet inconnu. Elle fit en sorte d'être la plus ouverte possible, et au début l'inconnu était étonné, nerveux, et un peu chiant. Mais il était sympathique, et elle lui parla ouvertement d'eux-mêmes. En tout juste quelques heures, les deux semblaient s'amuser et communiquer sur le même niveau. Enfin! L'artiste était heureuse. Elle s'entendait bien avec un inconnu. Elle faisait une nouvelle rencontre, et elle? Elle sentait qu'elle était sur le point de se faire une chose devenue rare au sommet. Un ami. Toutefois, alors que l'artiste se sentait en confiance dans la chaleur d'une belle rencontre, elle alla plus loin. Et confia à l'inconnu des soucis des choses personnelles, des secrets. Et l'atmosphère changea. Et alors, elle vit dans les yeux de l'inconnu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle vit dans ses yeux une étincelle, qui n'était pas celle d'un ami, d'un proche, d'un égal. Elle vit dans les yeux de cet inconnu la même lumière que celle qu'elle avait vue durant le concert. Elle venait de lui donner, sans le savoir, non elle-même, mais un tout nouveau spectacle. Plus intense encore que sa performance de tout à l'heure. Elle venait de se rendre vulnérable devant lui, et l'inconnu dévorait mot par mot cette occasion qu'elle avait eu la générosité profonde de lui accorder. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas fait ça par générosité. Elle s'était ouverte parce qu'elle souhaitait juste se faire un ami. Un égal. Elle n'eut qu'encore un autre spectateur. Et toute la bonne volonté de l'artiste et de l'inconnu, inconscient par ailleurs de ce qu'il avait fait, ne pouvait faire oublier ce regard à l'appétit insatiable et cannibale pour la réalité, la faiblesse et l'humanité de cet artiste. C'est au moment de cette étincelle que l'artiste comprit qu'on ne lui laisserait en effet plus jamais la possibilité de descendre au même niveau qu'autrui. Se faire un ami inconnu était terminé. Je vous laisse imaginer ce que cette pensée a créé en elle. Maintenant, je vous laisse imaginer qui vous êtes quand vous attendez quelque chose d'un artiste, d'une célébrité et autres, qui se montre à vos yeux jusqu'à se détruire en morceaux. Vous êtes cet inconnu. Et vous comme moi, quand on voit un artiste qui se détruit, qui nous donne cette vulnérabilité-là, on sait tous ce qu'on fait. On trouve ça génial. Et maintenant, 5100 kilomètres nous séparent. Le trou est toujours là, et vous pouvez en sortir si vous voulez. D'autres ne sont plus célèbres. Ils sont plus grand-chose d'ailleurs. Et tout ça, c'est des conneries. Et il est à nouveau temps pour vous de partir. Car il se fait tard. Vous aurez prévenu. Un petit détour avant de rentrer. Voilà le super groupe français Programme. Avec La salle de jeu et la peur. Chez moi, vous ne connaissez pas, vous en avez entendu parler, aux infos, dans les journaux, peut-être chez des amis. Il y avait une réponse à donner sur un carton du Trivial Pursuit. Mais dans le fond, vous ne connaissez pas, ça n'est pas juste une question de paysage. Ici, je ne suis pas chez moi. Mon frère est enterré, mais ça n'est pas chez moi. D'ailleurs, je n'ai pas de chez moi, j'en sais rien. Peut-être la salle de jeu, c'est chez moi. J'y passe la plupart de mes journées, à traîner, à observer. Quand je rentre là-bas, personne ne me regarde. Tout le monde est concentré pour battre des scores sur des machines. Patron, ouvrier, VRP, fils à papa, racaille, s'y croisent tous les jours sans jamais s'adresser la parole. De toute façon, ils ont rien à se dire. Ils s'affrontent juste à travers des chiffres sur des tableaux de score. Le peu de fric que je gagne, je le dépense là. Même quand j'en ai plus, j'y vais. Malgré tout le bruit qui va avec et les morceaux pourris à la radio, je préfère être là devant la télé, dans un bar à discuter avec des cons de leurs projets et je ne sais quoi d'autre qui ferait d'eux des gens heureux, responsables, et qu'après tout c'est peut-être eux qui ont raison. J'ai pas envie de me le dire ni de me rassurer, ni de les voir indifférents face à la peur qui gagne. Il y aurait de quoi vouloir être rassuré. Moi aussi j'ai peur, c'est la seule chose qui nous rapproche. La peur nous rapproche, je l'ai lu dans des yeux à l'hôpital. C'est pas le temps qui fait vieillir, c'est la peur qui rabat le caquet de tout le monde. Mais croyez-moi, il y a toujours de bonnes raisons d'avoir peur. Guerre dans l'espace, guerre sur la terre. Nouveau monstre de la vitesse, combat de rue, championnat. Match au sommet avec des idoles, massacre aux flingues dans des blocos. Les machines pissent le sang, les machines sont des poubelles. C'est pas un reproche, grâce à elles j'ai peur sans que ça nous rapproche. Du coup j'ai l'impression de passer à côté, vous comprenez? Vous avez de la chance si vous comprenez. Que la peur de vivre l'emporte, je suis pas sûr que vous compreniez. Demain à la même heure je serai là. Avant j'aurais fait deux ou trois fois le tour du quartier en passant toujours aux mêmes endroits, en regardant marcher dans les vitrines, accrocher deux ou trois regards pour savoir si ma façon de marcher est la bonne. Qu'est-ce que ça peut foutre? Direction la salle de jeu. J'en ai assez vu. Des types comme moi et d'autres, ils ont tous approuvé quelque chose. Marre de devoir tenir le coup, marre de grossir la foule des pleureuses. Sentent leur cœur battre dans leurs genoux. C'est pas un reproche. Je vais à la salle de jeu pour avoir peur sans que ça nous rapproche. Du coup j'ai l'impression de savoir où je vais. Même si ça mène à rien, qu'est-ce que ça fait? Bien des années plus tard, Dontos sont de retour. Ils ont appelé leur nouvel album Vous n'aurez pas ce que vous voulez. You won't get what you want. Ils ont raison. Pour eux et pour nous, au final, on s'est jamais connus. Et on s'est jamais marré. L'épisode d'aujourd'hui a été produit par moi, César, au studio Écuvilles Hardcore City. Vous pouvez me joindre directement à l'adresse mail musique.horrible@gmail.com. Et je vous invite à aller sur le site musiquehorrible.com pour toujours plus de petits trous. Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé quelque chose en vous, ou que vous avez envie de faire des placements de produits absolument dégueulasses, alors vous avez toute mon attention. Voici Satan in the Wait, The Daughters, sur l'album You Won't Get What You Want. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Je suis célèbre et je vous hais. Car nous ne pourrons plus jamais parler. Bonne soirée à vous. Sur Musique Horrible. Celle-là, on la repassera pas deux fois.